Plusieurs années se sont écoulées depuis les événements relatés dans le livre de Daniel chapitre 2 que nous avons abordé ces dernières semaines. C'était le songe de la statue interprétée par Daniel. À l'époque, le roi Nebuchadnezzar avait été très flatté lorsque Daniel lui avait affirmé « C'est toi qui es la tête d'or ». Depuis, le prestige de l'empereur avait encore augmenté. D'autres royaumes étaient tombés sous sa férule comme des fruits mûrs tombent d'un arbre. En l'an 586 avant Jésus-Christ, Nebuchadnezzar avait définitivement vaincu Jérusalem et brûlé la ville. Puis, il avait emmené à Babylone les derniers défenseurs de la capitale juive. Aussi, l'orgueil du conquérant des nations ne connaissait plus de bornes. Il ne lui suffisait plus d'être la tête d'or de la statue, il voulait paraître devant l'humanité entière comme un dieu, représenté par une statue entièrement en or. Il désirait donc que tous l'adorent par statue interposée. Nous lisons Daniel 3:1. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Donc, plus de 30 mètres de hauteur. Il la dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Tous les grands de Babylone ont été convoqués à la cérémonie d'inauguration du culte dédié à l'empereur, c'est-à-dire à la dédicace de la statue. Daniel chapitre 3, verset 3. Alors, les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Remarquons-le, il ne s'agissait pas d'une invitation à bien plaire, mais d'un ordre formel, Daniel chapitre 3, versets 4 à 6. Un héros cria à haute voix, « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, homme de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuque, du psaltérion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et ne l'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. » L'adoration sous la contrainte, la prosternation sous la menace, la dictature politique qui devient une dictature religieuse, ce qui est infiniment plus dangereux. Non seulement l'empereur se prend pour un dieu et oblige ses sujets à se jeter par terre devant lui, mais il veut les contraindre à penser comme lui et à subordonner leur volonté à la sienne pour qu'en fin de compte, ils puissent décider à leur place. Avant d'aller plus loin dans le récit de Daniel, j'aimerais attirer votre attention sur un fait important. Babylone apparaît à 3 reprises dans l'Écriture sainte. Tout au début de la Bible, dans le livre de la Genèse, chapitres 10 et 11. Au milieu de la Bible, en particulier dans les livres de Jérémie et de Daniel. Et tout à la fin de la Bible, dans les chapitres 17 et 18 de l'Apocalypse. Or, la déification du roi de Babylone y apparaît chaque fois comme une caractéristique première. Nimrod, personnage de Genèse chapitre 10, a été le premier constructeur de Babylone. À l'époque, on la nommait Babel. Il a été le premier des dictateurs de l'histoire. Il a aussi été vraisemblablement l'instigateur de la première révolte des hommes contre Dieu, cette révolte qui s'est concrétisée dans la construction de la tour de Babel. La mythologie de l'antique Chaldée nous apprend que Nimroud, fondateur de Babel, y était adoré comme un dieu, de même que sa mère, la déesse Semiramis. C'est 25 siècles plus tard que s'inscrit dans l'histoire la suprématie de Babylone, capitale de l'empire des Chaldéens, dont nous parle le livre de Daniel. Puis, tout à la fin du Nouveau Testament, l'apôtre Jean nous révèle la Grande Babylone, un système à la fois politique et religieux qui s'imposera un jour à la planète entière. Les chapitres 17 et 18 de l'Apocalypse nous montrent aussi que les rois, les chefs militaires, les grands de ce monde, les marchands de la terre et les pilotes de la mer devront fléchir les genoux devant l'Antéchrist, le super dictateur de demain. L'Antéchrist réussira à tenir dans ses mains les rênes de la politique mondiale et il y parviendra en imposant aux masses une religion œcuménique universelle. Il fera comme Nebuchadnezzar. Ses orchestres et ses fanfares créeront l'ambiance propre à l'envoûtement des esprits. Alors, l'adversaire de Dieu subjuguera l'humanité entière et obligera tous les hommes à l'adorer. La Bible dit qu'il s'élèvera au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de tout ce qu'on adore. Et qu'il ira jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 4. Nimrod, Nebuchadnezzar, l'Antéchrist. Trois personnages qui se rejoignent parce qu'ils ont des ambitions identiques, la déification de l'homme et la révolte contre Dieu. Et l'esprit de Babylone ne meurt pas, au contraire, il revit aujourd'hui dans les alliances politiques, économiques et religieuses contractées par des hommes qui ont pris soin d'exclure Jésus-Christ de leur délibération. Sur le plan politique, les organisations internationales préparent maintenant l'avènement du super-dictateur de demain. Sur le plan religieux, l'œcuménisme pose déjà les fondements de la grande Babylone d'Apocalypse 17 et 18, en voulant fondre tous les grands courants philosophiques et religieux en un seul culte syncrétique. Alors qu'à la cour de Nebuchadnezzar, un huissier obligeait les hommes à se jeter à genoux, le faux prophète annoncé par l'Apocalypse actualisera bientôt le récit de Daniel chapitre 3 en proclamant un édit qui obligera des multitudes d'hommes à adorer le surhomme. C'est ce que nous montre Apocalypse chapitre 13. Toute l'humanité sera par terre devant ce surhomme, comme les serviteurs de Nebuchadnezzar étaient par terre devant la statue d'or qu'il avait dressée. Cependant, au moment où tous les dignitaires de l'Empire se prosternaient devant la statue de Nebuchadnezzar, Daniel et ses amis, Anania, Michaël et Azaria, n'ont tenu aucun compte de l'ordre royal. Daniel 2,49 laisse entendre que le prophète était devenu conseiller privé de Nebuchadnezzar. Est-ce parce qu'ils n'ont pas osé s'attaquer à Daniel, devenu favori du roi, que les hommes jaloux du pouvoir ont concentré l'artillerie de leurs accusations sur ses trois amis? C'est possible. Toujours est-il qu'Azaria, Michaël et Anania, mieux connus alors sous leur pseudonyme babylonien de Shadrach, Meshach et Abednego, sont devenus la cible d'une perfide dénonciation devant l'empereur. Il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Daniel 3, 12. Nebuchadnezzar ne supportait pas qu'on lui résiste. Il lui fallait donc frapper les récalcitrants d'un châtiment exemplaire pour affirmer son autorité. Il a donc convoqué les trois Israélites pour leur dire « Est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuque, du psaltérion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main ? Daniel 3, versets 14 et 15. La prochaine fois, nous verrons comment Dieu a miraculeusement délivré ses trois serviteurs de la fournaise ardente. Mais d'emblée, posons-nous la question, qu'aurions-nous fait à leur place? Aurions-nous été prêts à tout sacrifier et à donner notre vie pour demeurer fidèles à Dieu? Les persécutions contre les chrétiens vont se développer, se généraliser. L'Apocalypse nous parle d'une grande foule d'hommes et de femmes qui, à la période de la grande tribulation, refuseront de renier leur foi et de se plier à une religion mensongère. Ils seront impitoyablement mis à mort. À cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils auront rendu. Apocalypse 6.9 et Apocalypse 7.9. À cette époque, l'histoire des trois amis de Daniel se répétera et se généralisera à l'échelle universelle. Des milliers de Shadrach, Meshach et Abednego refuseront de plier le genou devant l'Antéchrist. Ils subiront le martyre, parce qu'ils préféreront la souffrance, la torture et la mort à l'abjuration de leur foi. L'Antéchrist sera l'incarnation du vice. Il imposera sa loi d'immoralité par une idéologie trompeuse où politique et religion s'interpénétreront. Bientôt, Satan dressera devant l'humanité entière la statue d'or du surhomme, ce surhomme déifié auquel nous devons résister dès aujourd'hui, parce que son esprit est déjà dans le monde. 1er épître de Jean, chapitre 4, verset 3. C'est pourquoi laissons-nous instruire par l'exemple des trois compagnons de Daniel et écoutons leur déclaration au roi. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Daniel 3, 17 à 18. Jeune homme, jeune fille à l'écoute en cet instant, auras-tu le courage de répondre à ton tour à Satan, celui qui veut t'assujettir à son système? Sache, ô prince de ce monde qui désire m'asservir, que je ne servirai pas tes idéaux et que je n'adorerai pas la statue d'orgueil et d'immoralité que tu as élevée. Car je désire suivre et servir le Seigneur Jésus, mon Sauveur, mon Maître, le seul qui mérite louange et adoration. »